Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule Radio. Je suis Luc et, encore une fois, cette semaine, parce que à chaque semaine, on garde ça constant, je suis rejoint par mon collègue et ami, Monsieur Marc Bouchard. Salut Marc! Salut, presque constant. Là, il y a des semaines où on s'énerve un peu. Ou un ou deux n'est pas là, là, mais ouais, c'est ça. Mais dans la constance, je veux dire, dans l'animation, c'est toujours un ou deux. T'sais, à date, il n'y a pas eu comme « Bonjour, je m'appelle... » Non, c'est ça. Pourquoi? Un invité bizarre là, qui vient juste faire une émission pour hijacker le show, genre quelque chose comme ça. Là. On va faire ça. Bon, je suis le bonhomme qu'on a. Soit ça aussi. Ouais, on parlerait peut-être de motoneige et de char, choses comme ça. Chose que je faisais dans le temps, dans le podcast auto, j'avais un collaborateur qui venait parler, qui était Yann Dupuis, qui venait parler de VTT, puis de motoneige, puis de choses comme ça, parce que c'était un tripeux de ça. Fait qu'on avait, de temps en temps, on a eu une chronique motoneige et VTT. Mais le bonhomme ben, carnaval. C'est pas une mauvaise idée, en fait, là. Non, c'est. Non, on ben, pourrait c'est, parfaitement. Quand ça roule, tu sais. Mais le bonhomme carnaval nous parlait sûrement de Zamboni et de motoneige, plus que d'autres choses. La seule affaire, c'est que demandez-moi pas de me lever à la patio. Ouais, ça, non, ouais. Non. Quoique, la bonne nouvelle, en fait, c'est comme c'est pour le moment toujours juste en audio. Oui, personne ne le sait. Vous le verriez pas. Je peux vous faire croire que je la lève au-dessus de ma tête et il n'y a personne qui peut me contredire. Non, ben moi, je le sais que c'est pas vrai, mais si je garde le secret, on est correct. Ouais, mais tu ne sais pas plus. Ben. Quand est-ce que tu m'as vu essayer de me lever la patte plus haut que la tête? Ben jamais, mais je te vois souvent essayer de rentrer puis de sortir de voiture, puis je m'aperçois bien que t'es pas si souple que ça. Je t'ai vu t'asseoir dans McLaren, Marc. Bon. M'asseoir, c'était pas pire. C'est débarquer qui était compliqué. Ouais, c'est ça. Bon, on va arrêter de parler de carnaval. Peut-être parce qu'il fait chaud, hein, puis on veut que l'hiver arrive. Pourtant, on veut vraiment pas ça parce que tout le monde sait que rendu au mois de février, on va-tu assez tout sacré après l'hiver. Mais bon. Marc, tu vas nous parler d'un petit voyage que tu as fait récemment pour aller essayer un nouveau véhicule, une refonte d'un véhicule de Infiniti, le QX50. Oui, puis c'est quand on parle de refonte, on parle de redesign complet. Ouais. Le QX50, c'est bon. Il y a quelques années, ça s'appelait le EX. Ouais. Okay? Quand Infiniti a décidé de changer ses noms, ils ont appelé ça le QX50. Qui était une version d'un petit multisegment intéressant, populaire malgré tout. Et là, on arrive avec la nouvelle génération de ce QX50. Et chez Infiniti, on nous a dit, écoutez, c'est probablement le plus important lancement de l'histoire de Infiniti au Canada. OK. Ouais, parce que c'est des véhicules qui sont populaires ici, là. Oui. Puis actuellement, la Q50, la Q60, ça se vend bien. La QX60 se vend bien. Mais on estime que la QX50 va être vraiment la star des stars. C'est celle qui devrait vendre le plus. D'ailleurs, les ventes du dernier mois, parce que le véhicule est déjà chez les concessionnaires, les ventes du dernier mois l'ont prouvé, là, ils ont battu les records de vente de ce modèle-là au cours des dernières semaines. Bon, les gens aiment ça, les VUS, puis les VUS pas trop gros aussi ont leur place. Puis là, c'est un VUS pas trop gros de luxe, fait que tu sais, les gens aiment ça. Là. C'est un créneau qui est intéressant. Effectivement, et là, on se retrouve en fait contre des ténors dans ce monde-là. Là. Mais ils ont quand même fait un excellent boulot au niveau de la façon dont celui-là est fait. Alors honnêtement, moi, je trouve que pour le moment, tu sais, c'est bien réussi. Okay. Évidemment, c'est pas, il n'y a jamais rien de parfait en ce moment, à part nous, tu le sais très bien. Bon, parle pour toi, là, parce que je suis loin de me trouver parfait, mais bon. Il ne faut pas être si modeste, Luc. Ouais, non, je suis très modeste. C'est correct. Continue. Je suis très humble, je m'en vante, c'est ça. C'est ça. Ben, alors donc, c'est donc un modèle qui est quand même, qu'on a fort bien réussi, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup d'innovations là-dessus. Alors, je vous parlais des ventes. T'sais, au mois de juin seulement, il s'est vendu 1398 Infiniti au Canada. Okay. Donc, c'est ce qui est le record de tous les temps pour Infiniti au Canada. Et là-dessus, il y en a 335 que c'était des QX50. Okay. Donc, on est... Puis imagine, là, il vient d'arriver, là. Il n'a même pas été là tout le long du mois. Okay. Le plus vendu était le QX60 avec 567. Qui est un petit peu plus gros que le 50. Ouais, okay. Exactement. Ouais. C'est bon, ça, on s'en doute. Évidemment, c'est un marché qui est en forte progression, le marché des VUS de luxe. On estime qu'aujourd'hui, 61% des ventes canadiennes sont des VUS de luxe, alors que seulement 38% sont des voitures de luxe. Okay. Donc, on est vraiment dans un monde où ça va très, très, très, très bien. Et les mid-size SUV, là, c'est-à-dire ceux comme le QX50, eux autres, ils progressent, c'est 33% des ventes qui sont. Donc, on est vraiment là dans un monde où c'est tout à fait... on est là, c'est là qu'on veut aller, puis c'est pour ça que Infiniti a relancé son QX50. Okay. QX50, qui est d'ailleurs complètement remanié, c'est une toute nouvelle plateforme que l'on a créée pour ce véhicule-là. Plateforme qui, comme d'habitude, là, utilise beaucoup, beaucoup d'acier haute densité. L'idée, c'est qu'on veut assurer une meilleure rigidité du châssis tout en conservant la solidité, mais on veut aussi l'alléger. Ouais, donc, on dit que au total, le châssis pèse 473 kg, donc plus qu'auparavant, moins qu'auparavant, mais qu'on a diminué la capacité de torsion. Donc, on a amélioré, si tu veux, la capacité de torsion de 28%. OK. Fait qu'il est plus rigide, moins pesant. Exactement. Et c'est bon. Pas mal là-dessus qu'on y va. Okay. En termes de design, c'est un Infiniti. À ce que ça veut dire, entre autres, c'est qu'il y a la fameuse grille en avant avec l'arche double. Là. Qui est une des plus belles grilles du marché présentement, à mon avis, ouais. Là, à mon humble avis. J'aime pas le mot arche double, là. Ça me fait plus penser au logo de McDonald's qu'à une grille de char, mais... Donc, McDo, c'est les arches dorées, c'est pas pareil. Mais en tout cas, c'est quand même... donc, ça, c'est typiquement... Infiniti, et d'ailleurs on l'a un petit peu amélioré dans ce cas-ci, mais c'est là, des feux, des phares à LED en avant et en arrière aussi, donc on mise beaucoup, beaucoup là-dessus, et le fameux capot qu'on appelle en clamshell, donc en fermeture coquillage. Qu'est-ce que ça veut dire en clamshell? C'est que, tu sais, normalement ton capot, il coupe avant les ailes, là. Sur la hauteur, il y a comme un bout carré, c'est ça qui ouvre, OK? En clamshell, ça veut dire qu'il va jusque sur les côtés. Okay. C'est comme si tout le devant s'ouvrait. OK. Fait qu'il y a une coupure comme dans les ailes, puis ça fait partie du capot. Exactement. On avait ça sur certaines voitures. C'était pas comme des voitures sportives de luxe, là. C'était à mode à un moment donné. Ouais. Les Britanniques, entre autres, ouais, c'est ça. On fait ça. Ouais. Donc, on était vraiment là dans un... C'est vraiment là-dedans. Donc, ça s'appelle le clamshell. OK. C'est un véhicule qui a... Il a grandi un peu. On dit qu'il est le meilleur de sa catégorie au niveau de l'espace de chargement, ce que je n'ai aucune peine à croire. Tu vois, on dit là, quand tu baisses quand tu baisses tout, là, on a 1800 litres de capacité de chargement quand tous les sièges sont baissés. Comment c'est pas mal? Si jamais tu ne les baisses pas, tu as 880 ou 1048. Et là, j'explique pourquoi tu as deux. C'est simplement parce que les sièges de deuxième rangée sont capables de bouger de l'avant vers l'arrière un peu. Ah, OK. Fait qu'en les glissant, tu gagnes de l'espace dans le coffre, ce qui est bien. Exactement. Ou de l'espace pour les jambes si tu les recules, évidemment. Donc, on aime ça, l'espace pour les jambes. Oui, bien, en fait, l'espace arrière est vraiment assez imposant au niveau des jambes. Sauf que, bon, tiens, on triche un petit peu. On nous dit qu'on est les meilleurs au niveau de la deuxième rangée du plus grand espace pour les jambes en millimètres. Ce qui est vrai. Okay. On parle de 983 mm contre 975 pour le plus proche rival, qui est la Cura RDX. Okay. Mais on a oublié de nous dire qu'on était le plus petit en matière d'espace pour les jambes en avant. Okay. Fait qu'on a gagné à quelque part, perdu ailleurs. C'est ça. Remarque que moi, dans mon cas, ça ne me dérange pas parce que, de toute façon, j'utilise rarement l'espace maximal avant. Ouais, t'es court sur patte. Ouais, c'est ça. Moi, je suis plus horizontalement différent. Fait que c'est pas là nécessairement. Que je gagne mon espace. Donc, on est en avant d'espace, en arrière, beaucoup espace de chargement, bien fait. Le haillon qui s'ouvre en passant le pied sous le capot, là, quand ça marche. C'est bien que tu ajoutes quand ça marche. Oui, c'est ça, mais tu as vu la vidéo virale là, du gars qui s'est amusé avec un Ford? Non. En tout cas, on fera une petite recherche. Si je le trouve, je le mettrai sur la page de Ça roule sur Facebook. Le gars s'est amusé, il arrive avec les mains pleines de sacs. Et il passe son pied sous le capot, ça ne lève pas. En tout cas, il finit couché en dessous du char à essayer de le faire partir. Ouais, c'est plutôt amusant. En fait, ça a été plutôt. Ça a été très, très viral la semaine passée. Le gars s'est aperçu que finalement, il n'avait pas acheté l'option. Non, ça marche, mais c'est parce qu'aussitôt que ça rouvrait, quand il arrivait pour mettre les sacs dedans, il se refermait. Ben, c'est ça. Okay. C'est une comédie, là. On c'est savait bon, eu. C'est bon. Ceci étant dit, donc, dans le cas de l'Infiniti QX50, c'est un véhicule qui est vraiment le fun, qui a un beau format, qui est intéressant, qui est très dynamique. La vraie nouveauté, c'est le moteur. le fameux moteur VC turbo 4 cylindres 2 litres. Okay. Okay. VC pour Variable Compression, c'est le premier moteur au monde à compression variable. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire, compression variable? C'est qu'on a, en fait, on joue avec une bielle articulée. C'est comme si ton piston était monté sur une bielle qui pouvait changer de hauteur. Alors, tu augmentes ou tu diminues ton taux de compression, ce qui te permet d'avoir un taux qui passe, par exemple, de 8,1 de 1 pour 8 à 1 pour 14. Okay. C'est 14 pour 1 puis 8 pour 1, là, mais t'sais, donc, ça te permet d'avoir vraiment un déplacement qui un displacement là, qui varie de 1,970 à 1 à 2 litres. Okay. Okay. Tu varies ta capacité. Ce que ça fait, bien évidemment, c'est que ça modifie la puissance et ça modifie l'économie d'essence selon comment ça se place. C'est totalement transparent, tu ne t'en rends pas compte. C'est la voiture qui le gère elle-même. Et honnêtement, ça fait un bon travail parce que ça te permet des départs un peu plus nerveux et ça te permet à long terme une meilleure économie de carburant. Tu as quand même 268 chevaux, 280 livres pieds de couple. Infiniti nous parle d'une économie moyenne de 9 litres au 100, ce qui serait la meilleure dans sa catégorie. Okay. En titre de comparaison, on parlait de 11,9 dans le cas de l'ancien V6. Alors, quand même, on a amélioré considérablement. Nous, je peux dire que dans l'essai, on n'a pas fait mieux que 9,6, 9,7 et on n'a pas cautionné le véhicule. Mais tu sais, regarde, un dans l'autre, quand on l'essayera pour une semaine, on verra. Ouais, sauf que ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, le moteur, lui, il est agréable, il se déplace très rapidement. Et en fait, on nous a fait la comparaison, j'ai trouvé ça très drôle. On a dit, c'est comme si le même moteur était à la fois un sprinter et à la fois un coureur de marathon. Okay. Et bon, ils nous avaient d'ailleurs invité des athlètes olympiques, dont Felicia George, qui est une coureuse de 100 mètres, est sur place pour nous parler de ce que ça prenait pour devenir un athlète. Là. Non pas que j'ai l'intention d'en devenir un, mais elle était là. On a vraiment voulu faire cette comparaison-là et je pense que de ce point de vue-là, c'est assez réussi. Tu peux d'ailleurs le voir dans ton affichage central, là, tu peux voir comment ça se déplace puis comment ton turbo modifie la pression. Bref, c'est vraiment un petit moteur hautement technologique, mais fort intéressant. Okay. Ceci étant dit, il est jumelé à une boîte de vitesse CVT qui ne me donne pas vraiment de grands frissons, ni dans un sens, ni dans l'autre. C'est-à-dire qu'elle est correcte, elle n'est pas fantastique. On a simulé des rapports, 6 rapports simulés, mais elle n'est pas désobligeante, elle n'est pas désagréable. Bien sûr, c'est une CVT avec ce que ça implique. Des fois, on a l'impression qu'elle vient chercher une partie de la puissance, mais dans l'ensemble, ça va assez bien. Je suis un peu surpris qu'Infiniti allait avec des CVT parce qu'il me semble qu'ils gardaient les transmissions automatiques régulières pour la gamme. Puis les CVT, c'était plus chez Nissan qu'on les installait. Il me semble que le dernier Infiniti que j'ai eu avait une transmission automatique. Non, peut-être, pas de CVT. Mais là, on est vraiment dans la CVT. Okay. Dans ce cas-ci. On a aussi installé ce qu'on appelle des Active Torque Rod, c'est-à-dire que c'est des supports de moteur en fait actifs. Ça fonctionne un peu comme des écouteurs qui annulent le son, là, tu sais. Okay. Tu sais, qui viennent contrôler les vibrations par des contre-vibrations. Là. OK, ouais. C'est un peu comme ça que ça fonctionne, mais c'est pour le support de moteur. Donc, ça fait un moteur qui a un roulement extrêmement doux, extrêmement discret. Vraiment, là, c'est une très, très belle réussite de ce point de vue-là. Insonorisation impeccable, rien à dire. Évidemment, le Pro Pilot Assist, c'est le fameux système de Nissan là, qui comprend tout le système de technologie qui te garde au centre de la voie. Est-ce qu'il porte le même nom chez Infiniti? Oui, il s'appelle Pro Pilot Assist aussi. C'est à le un même moment donné, tu sais, un chat, c'est un chat. Là. C'est juste drôle parce que certains constructeurs changent le nom dépendant dans quelle gamme ils l'ont mis. T'sais. Effectivement, mais là, c'est vraiment la même chose et tu as toutes là, les mêmes fonctions. La différence, c'est qu'il peut être jumelé, selon les versions, à la fameuse direction adaptative de Infiniti. C'est le fameux Direct Adaptative Steering qu'on retrouve. Il peut régler les modules à plus ou moins de réponse et tout. Comme c'est une direction électronique, ben, ça permet d'être encore plus efficace au niveau du Pro Pilot Assist. Bien. Affichage tête haute qui est là. Toit panoramique qui est standard sur toutes les versions. Ah, c'est bien. Quand ça. Même. Ouais. Le seul bémol, c'est le système de navigation infodivertissement. Ils ont gardé les doubles écrans, là. Un écran en haut, un écran en bas. J'ai passé ma journée à chercher la bonne place pour faire les commandes. Ouais. J'ai profondément détesté ça, mais je pense que quand on s'y habitue, mais moi, j'ai pas vraiment aimé. Et on a mis des fonctions étranges, comme si tu es sur la radio satellite, tu ne peux pas faire d'entrée directe de données si tu roules. Donc, si tu es sur le poste numéro 8, mettons, parce que tu écoutes la musique des années 80, puis tu dis que tu veux aller écouter de la musique country au 92. Oh, faut que tu montes par le volant un par un. Ouais, exactement. Ou que tu arrêtes sur le bord puis tu te stationnes. Ouais, mais tu peux pas faire ça sur l'autoroute, là. Non, non. Fait que c'est un peu particulier. On dit, ah, c'est pour le gouvernement, c'est pour la sécurité, mais c'est drôle, c'est les seuls qui font ça. En tout cas, bref, ceci étant dit, c'est quand même pas désagréable, là. Pour le reste, un véhicule qui a une belle qualité d'assemblage, c'est vraiment, à mon avis, un véhicule qui va connaître un succès incroyable chez Infiniti parce qu'il répond à tout ce qu'on attend d'un petit VUS de cette catégorie-là. Autant au niveau du confort, de l'insonorisation que des sensations de conduite. Non, c'est pas le plus sportif, mais en même temps, c'est loin d'être le plus ennuyeux. Honnêtement, j'ai trouvé ça fort intéressant. Détail, c'est quand même un prix qui est aussi raisonnable. En version de base, on parle de 44 490. Je l'ai dit, ça inclut le toit panoramique. Quand même. Ouais. Et les versions les plus vendues, on dit que c'est celle qui va s'appeler la Essential, qui est à 48 990 avec la navigation, les fauteuils en cuir et tout ça. Et la version qu'on appelle Sensory, qui était celle que nous, on essayait, qui roule sur des roues de 20 pouces. Et là, bon, avec les sièges climatisés, ventilés, oui, avec le volant chauffant dans toutes les versions, ouais. En passant. Okay. J'ai pensé à toi quand on l'a dit. Ah. Alors, ça c'est très bien. Et il y a une version qui s'appelle la Autograph, qui est la plus chère, à 57 990, qui comporte toutes les options, plus un intérieur blanc, bleu et brun. Ça fait beaucoup de couleurs, je trouve, mais c'est quand même très, très, très joli. Bref, une belle réussite pour Infiniti. Honnêtement, le QX50, à mon avis, va vraiment être populaire dans ces catégories. Super. Donc, parfait, Marc. On va terminer là-dessus. On va faire une petite pause et on revient avec nos essais de la semaine. Nous sommes de retour et Marc, c'est l'heure de nos essais de la semaine. Et tu vas nous parler d'un VUS un peu plus petit que celui dont tu nous as parlé dans le premier bloc. Tu vas nous parler du Mazda CX-3. Ouais, un peu, c'est un peu c'est un euphémisme, je te dirais. Oui, beaucoup, mais bon, je suis gentil. Je l'aime bien, le CX-3. T'as beau petit Mazda. Je l'aime bien aussi. Ouais. La question n'est pas là. Non, non. C'est plus à un autre niveau, c'est-à-dire qu'effectivement, alors que le QX50 d'Infiniti se targue d'être celui qui offre le plus grand espace de chargement, le Mazda CX-3 pourrait exactement dire le contraire. Non, il ne se targue pas de ça non plus, du tout, lui. Non, non il ne faut pas, parce que s'il targuait de ça, il y aurait quelque chose qu'il n'aurait pas compris. Effectivement, c'est la partie qui est probablement la plus déficiente à l'intérieur du Mazda CX-3. Ouais. C'est pas ultra spacieux. Non, vraiment pas. Excusez. Voyons, j'ai un chat dans la gorge. Ouais, t'as voulu sortir ton chien, mais là, les chats s'amusent. C'est ça, c'est probablement pour ça que mes chiens jappent tant que ça. Cette année, donc, on a modifié le CX-3. On nous l'avait présenté de façon étrange un peu dans certains salons de l'auto où on a dit, vous regardez le nouveau CX-3 et il n'était pas là. Il y avait juste une vidéo. Il est rendu tellement petit qu'on ne le voit plus. Non, c'est ça, c'était presque ça. Non, sincèrement. Mais on se rend compte que les changements sont loin d'être radicaux dans le cas du CX-3. Il y a quand même des changements esthétiques, je dirais, importants, mais il faut vraiment avoir les deux un côté de l'autre pour être ou être un fin connaisseur là, pour remarquer les nuances. Okay. Entre autres, on a modifié la grille avant, qui avait comme 7 lignes, maintenant elle tombe à 4 lignes. Tu sais, des trucs comme ça. Là. On a un petit peu modifié les lumières, des trucs comme ça. On n'a pas vraiment rien fait de très particulier. Donc, quand on regarde le véhicule, il a l'air encore d'un CX-3 comme on le connaissait, avec le design, l'esprit de design Kodo là, qui vient avec ce que Mazda nous propose depuis toujours. Okay. Mazda est un peu dans sa période de mise à jour au niveau de ses modèles. Elle a fait la même chose avec, par exemple, la Mazda MX-5 qui gagne un peu en puissance pour 2019, mais pas vraiment au niveau du changement physique. Il n'y a pas vraiment rien d'esthétique. CX-9, il n'y a pas vraiment de changement non plus. CX-5 non plus. Des petits détails, mais rien de vraiment fantastique. Donc, dans le cas de CX-3, c'est un peu la même chose. Oui, il y a des changements. Oui, il y a des changements physiques, entre autres, mais c'est pas rien là, pour faire qu'on ne reconnaîtra plus le véhicule. Okay. À l'intérieur, il y a un petit peu plus de changements parce qu'on a enlevé le frein à main. Ouais. On l'a mis électronique. Ça permet donc d'avoir plus d'espace de rangement, une console centrale un peu plus dégagée, un appui-bras qui a de l'allure au centre. Bref, c'est vraiment je dirais encore une fois des détails qui ont leur importance, mais ce n'est pas quelque chose de vraiment fantastique au niveau des changements radicaux, là. C'est correct. T'sais, C'est on est. pas des révolutions, là, c'est une légère évolution. C'est C'est ça, ce une qui est légère correct, mise là. à jour, tout Ouais, c'est ça. simplement. C'est bon. Il y a des affaires que j'aurais aimé qu'ils mettent à jour plus que ça, entre autres le système d'infodivertissement, qui est d'une lenteur carabinée. Écoute, ça n'a aucun sens d'être lent de même, là. Tu demandes quelque chose au GPS, puis tu arrives deux. Sincèrement, là, au moins deux fois, il m'a donné la directive avec 50 mètres de retard. OK. C'est parce que c'est un peu fatigant quand tu ne sais pas où tu t'en vas. Moi, je le savais, mais j'ai volontairement pris le chemin que m'a indiqué le GPS. Mais si tu es dans une ville inconnue, puis qu'on t'indique les directions 50 mètres en retard, ça se peut que tu cherches longtemps. Ça se peut que tu te perdes un peu, ouais. C'est ça. Alors, vraiment, ça m'est arrivé à au moins deux reprises, et ça, j'ai trouvé ça un peu désagréable. Le reste, ben, c'est pas non plus, tu le sais, tu conduis des Mazda, c'est pas le plus ergonomique des systèmes d'infodivertissement. Non, c'est un peu compliqué avec la roulette dans le milieu, puis c'est pas hyper facile. C'est joli, là, par exemple. Je dis pas que l'interface est pas jolie, mais côté utilisation, c'est mieux que ce qu'on retrouve que ce qu'on retrouvait chez Lexus, là, mais ça pourrait être amélioré encore un peu, là. Ouais, puis tu sais, trouver les menus, je trouve que l'ergonomie des menus est pas facile. T'sais, aller changer, par exemple, l'indice de vibration quand, parce que tu as un système de reconnaissance qui garde de sécurité qui garde en voie, là, si tu veux. Et eux autres, ils t'offrent deux possibilités, soit une vibration, soit un autre son quelconque. Aller changer ça, bon, là, il faut que tu t'appuies sur la molette, là, que tu montes en haut dans le menu, que tu tasses à droite, et non pas que tu tournes, mais bien que tu tasses la molette à droite, une fois que tu es rendu. Tu sais, bon. Ah, ça devient vraiment un peu long et complexe. C'est cette ergonomie-là que je trouve qui est un peu difficile. Ben, comme tu parlais aussi de lenteur, là, tu sais, présentement, cette semaine, je suis au volant du CX-5. La semaine passée, j'avais la Mazda 3. Et puis, juste connecter le cellulaire pour le Bluetooth. Moi, j'écoute soit des livres audio, soit des podcasts en auto. Oui. Puis, j'embarque dans l'auto, je démarre l'auto. Puis, une chose aussi, je ne sais pas si tu as remarqué, là, la plupart des voitures, là, pour démarrer avec le bouton poussoir, tu appuies sur le frein, tu appuies sur le bouton, puis tu peux lâcher le frein un coup que tu as appuyé dessus, puis ça va démarrer. Mazda, faut que tu tiennes le frein enfoncé jusqu'à temps que la voiture soit démarrée, parce que sinon, il va arrêter en plein milieu, là. Il va juste pas démarrer. Puis, un coup démarré, ça marquait à l'écran reconnexion Bluetooth. Puis, je regardais sur mon téléphone, puis sur mon téléphone, ça me disait qu'il était connecté à Mazda. Mais à l'écran, il y avait la roulette qui disait connexion en cours, puis à un moment donné, le système décide qu'il n'est pas capable de se connecter à mon téléphone pendant que moi je vois qu'il est connecté sur mon téléphone. Puis là, je suis obligé de retourner dans le menu audio pour me reconnecter. Fait qu'il semble avoir des petits problèmes de ce côté-là. Mais on s'entend, le système audio, c'est pas la partie la plus importante d'une voiture, là. C'est le reste, c'est le confort, puis c'est le, t'sais, mais ça reste aujourd'hui une partie quand même, t'sais, importante ou intéressante. Il faut que ça marche comme il faut, là. Ouais, quand même, moi je trouve ça très important parce que c'est vraiment c'est la partie du confort que, avec laquelle on joue le plus souvent, là. Mais si tu veux attirer des jeunes aussi, il faut que ça fonctionne. Exactement. Ceci étant dit, on a aussi modifié un petit peu le moteur, là. On n'a pas changé grand-chose. On a rajouté quelques chevaux au moteur, c'est tout. Donc, dans l'ensemble, c'est pas ça. La grande nouveauté, bien sûr, c'est le contrôle vectoriel de la force G. Que tu avais été essayé à un événement spécifiquement fait pour ça, là, à un moment donné, si je me rappelle bien. Exactement, avec la Mazda 6. C'est pas facile à expliquer, c'est pas facile à ressentir quand on n'a pas un comparatif sous la main, mais vraiment, ça fait une belle job. L'idée, en fait, c'est qu'on utilise le couple du moteur pour stabiliser la carrosserie quand elle est à l'amorce des virages ou des trajectoires un peu plus serrées. Donc, littéralement, ça te permet de garder la carrosserie beaucoup plus stable, donc moins de roulis, moins de tangage, plus de confort pour toi, encore plus pour tes passagers. Donc, honnêtement, c'est très, très intéressant de ce point de vue-là. C'est bon. Boîte automatique 6 rapports, que j'ai bien aimé. Ça va bien. Alors, dans l'ensemble, c'est un bon petit véhicule qu'on a amélioré avec le contrôle de la force G, qu'on a amélioré du point de vue physique. C'est un véhicule que j'ai toujours beaucoup, beaucoup aimé, que je continue d'aimer malgré ses quelques défauts. Et je l'aime beaucoup, entre autres, pour son dynamisme de conduite, son plaisir de conduite, ce qui est toujours la caractéristique de Mazda et qui continue de l'être avec ce CX-3 que j'avoue bien aimé, là, à partir de 20 795 $, c'est le prix de base. Bien sûr, si vous voulez plus d'options intégrales et tout, ben là, vous ajoutez des dollars. Mais dans l'ensemble, c'est un petit véhicule qui vaut vraiment d'être considéré si on est dans le marché pour ça. Et si, je le répète, on n'a pas besoin d'espace de chargement parce que c'est la réalité. Malheureusement, il n'y en a pas. Ouais, mais c'est un VUS qui a un petit côté amusant à conduire aussi. Là. C'est un Mazda, oui, donc c'est le petit vroom-vroom. Ça se ressent dans ce véhicule-là aussi. Peut-être un des plus intéressants à conduire de sa catégorie. Peut-être pas un des plus spacieux, mais on regagne en dynamisme et en plaisir de conduire de ce véhicule-là, par exemple. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mon cher. Mais toi, tu es allé dans le plus luxueux. Oui, je suis allé dans le plus, même très luxueux. J'étais au volant du Genesis G70. Le G70 qui est un peu la réponse de Hyundai. Genesis qui était une voiture chez Hyundai à un moment donné, qui est devenue sa propre marque maintenant avec différents modèles et encore plus de modèles qui vont arriver dans le futur. C'est la réponse de Hyundai ou de Genesis au BMW de série 3, Audi A4, puis Cadillac genre ATS. Là. C'est un véhicule qui est vraiment joli dans son design, puis vraiment, petite tranche de vie. C'est avec ce véhicule-là que je suis allé au lancement du Nissan Kicks il y a quelques semaines. Et puis, quand je l'ai stationné en avant de l'hôtel, quand on est arrivé à l'hôtel, puis que j'ai laissé les clés au valet pour qu'il stationne l'auto, pour que je puisse rentrer et aller rejoindre les gens de Nissan, je le stationne dans l'air de, tu sais, en attente, là, où le valet va chercher l'auto. Puis, il arrête on est à Montréal, fait qu'il n'y a pas vraiment le choix parce qu'il est pris dans le trafic, mais il arrête à côté de moi un gars dans une belle BMW, puis il descend sa fenêtre, puis il dit, hey, il est vraiment belle, votre Aston Martin. Là, c'est une Genesis, tu sais. J'ai dit, ça vient de la marque Hyundai. Puis il m'a regardé avec la face un peu comme, ah. Puis il est reparti. Fait que, un fin connaisseur. Non, mais on peut, tu sais, si on la regarde vite, on peut voir un peu pourquoi que le monsieur s'est trompé parce que les lignes sont un peu inspirées. Puis le logo de Genesis a des ailes sur les côtés avec un logo au centre. Ça ressemble un peu peut-être à Aston Martin. Puis c'est peut-être ça qui l'a fait penser que c'était ça, là. Mais bon, c'est une très belle. C'est un très beau compliment pour Genesis, par exemple. Là, parce qu'on s'entend-tu, si des gens se mélangent pour une Aston Martin, c'est parce que t'as comme réussi ton coup à quelque part. Là. Mais c'est un véhicule qui est confortable, c'est un véhicule qui est beau autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les cuirs à l'intérieur, la finition intérieure est incroyable. Siège chauffant, ventilé, ou volant chauffant. Il y a vraiment ouais, tout dans ce voiture. T'as comme un fantasme, toi, hein? Non, c'est parce que ça devient un running gag. Oui, c'est comme un fantasme pareil, là. Ouais, c'est ça. On a le choix de deux moteurs. Un moteur, soit un 2 litres turbo ou un V6 de 3.3. Moi, j'ai eu la version avec le 2 litres turbo. Toi, t'as eu la version avec le V6 de 3.3 litres. Donc, qui va avoir une conduite un peu plus dynamique. Je dis pas que le 4 cylindres est anémique, là, loin de là, là. Quand on accélère, ça accélère. Puis aussi, c'est probablement un peu plus frugal côté consommation d'essence. Là. Mais c'est quand même un moteur qui développe 252 chevaux, 360 livres-pieds de coupe pour le 4 cylindres. Puis toi, le V6 que tu avais, c'est 365 chevaux, 376 livres-pieds de couple. Effectivement. Ça doit se déplacer. Mais c'est un véhicule qui, dans son ensemble... Là, t'sais, on a toujours dit, c'est bien, oui, les Coréens travaillent fort, mais ils ne sont pas encore capables d'atteindre l'espèce de sensation de conduite que les Allemands sont capables de nous donner. Mais on est plus loin de ça. Je ne sais pas si tu es d'accord, là, mais la Genesis on n'est pas loin. Conduit vraiment bien. Là. On a vraiment l'impression d'être dans quelque chose de différent. Là. Oui, totalement. Là. Moi, je peux te dire que honnêtement, je suis vraiment très impressionné par cette capacité-là. Bien sûr, il faut dire que c'est la cousine directe de la Stinger. Oh oui, okay? Oui. Mais ils ont des comportements routiers différents, par exemple. Totalement. Alors, la Stinger est beaucoup plus sportive. Rebelle. Exactement. Alors que l'autre est vraiment. La Genesis, c'est vraiment basé sur davantage le confort, le luxe et tout ça. Là. Donc, on est plus là-dessus, même s'il y a des modes de conduite qu'on peut. Mais elle est quand même extrêmement dynamique à conduire. Ouais. Et écoute, comme tu dis, avec le 3.3, le H-Track, le système de rouage intégral, c'est vraiment un véhicule qui est super agréable, là, qui qui est vraiment super agréable. Bon, oui, c'est amusant à conduire, c'est joli, c'est vraiment, vraiment joli. Là, c'est une voiture qui fait tourner les têtes. Là. Même beaucoup de gens me demandaient, tu sais, hey, c'est quoi cette voiture-là? Un peu comme j'avais conduit la Kia K900 à un moment donné, puis le monde n'arrêtait pas de me demander c'était quoi. Parce que c'est, tu sais, quand tu regardes, c'est clairement pas une Kia, là. T'sais, ça n'a pas l'air surtout, d'une surtout Kia. Surtout quand tu n'as jamais vu, probablement. Ouais, c'est ça aussi, là. Mais tu sais, c'est des voitures qui attirent le regard parce que les gens, surtout la Genesis, on ne reconnaît pas le logo encore. T'sais. Les gens ne sont pas habitués encore de voir de ces voitures-là. Ben, en fait, ça a l'air aussi, le logo avec les espèces d'ailes. C'est ça. On n'est pas loin du logo Aston Martin. C'est ça. Martin. D'où ça le monsieur qui se pensait que c'était un Aston Martin. T'sais. Puis... les lignes sont très européennes, je veux dire, ça a une allure très sportive. On a des espèces d'accents dans les ailes avant qui ça donne vraiment un look sportif à la voiture. Je veux dire, les lignes sont vraiment magnifiques. La calandre avant, ça a l'air agressif. T'sais. Fait qu'on est autant que la Stinger a une allure totalement agressive. La Genesis a comme une allure un peu bipolaire, tu sais. Autant qu'elle a l'air luxueuse, autant que des fois, tu regardes sur certains angles, puis elle a l'air agressive, sportive, tu sais. On a comme été chercher les deux, mais c'est vraiment une voiture qui est magnifique. C'est sûr, si on regarde, tu sais, côté prix, ben c'est pas nécessairement donné, mais c'est pas nécessairement hors de prix non plus. Là. Si on regarde le modèle de base, commence à 42 000 $ Puis là, si on monte, ben là, on va jusqu'à 57 500 pour le modèle qui est probablement celui que tu as conduit. Moi, personnellement, celui que j'ai eu est 52 000. Donc, c'est sûr que c'est pas donné, mais pour ce que c'est, pour ce que c'est en compétition contre, c'est pas nécessairement cher non plus. Puis il faut prendre aussi en compte que Genesis a une espèce d'expérience d'achat différente maintenant. C'est qu'on peut magasiner en ligne, quelqu'un va venir à la maison, on vous livre votre voiture chez vous dans un camion. Vraiment, c'est vraiment une expérience autre pour le service client, puis la livraison, puis tout ça. On a revu un peu ces choses-là aussi. Donc, tu sais, avec Genesis, Hyundai essaie de faire de quoi de différent. Puis je pense qu'on se démarque autant sur le côté expérience client qu'on se démarque du côté des voitures qu'on offre aux clients aussi. Parce que ça serait beau offrir une expérience client super, tu sais, avec tout ce qu'ils mettent maintenant, la livraison à maison et tout ça, mais que ta voiture est juste bof. Ben, tu sais, fait qu'il faut que tu aies le produit qui va avec ce que tu essaies de mettre alentour du produit. Puis je pense que c'est réussi. Effectivement, non, je suis assez d'accord. Puis, on parlait de prix. C'est quand même extrêmement raisonnable, je te dirais, pour ce qu'on propose. Ben oui. Puis, non, honnêtement, j'ai beaucoup aimé ce véhicule-là. Et tu l'as dit, il y a de la gueule, ce qui est quand même pas négligeable non plus. Là. C'est très bon. Super. Donc, Marc, on va faire une dernière pause. Et puis, on va revenir avec des nouvelles. Nous sommes de retour. Et Marc, comme à chaque semaine, ben, normalement, on termine avec des nouvelles. Avant, on en a parlé un peu avant d'enregistrer. On a eu un message à travers Facebook intéressant qui venait de Georges. On va laisser son nom de famille en dehors de ça parce qu'il va se reconnaître. Georges parlait de quelque chose dont j'ai parlé la semaine dernière, qui était le petit miroir que j'ai trouvé caché à quelque part dans l'accoudoir central de mon Lexus NX. Et puis, il dit ça serait intéressant de parler de Easter Egg, donc d'œuf de Pâques. Il a dû regarder Ready Player One il n'y a pas longtemps pour parler d'œuf de Pâques qu'on trouve dans les voitures. Il y a souvent des choses cachées, des choses comme ça. Donc, Marc, on en a parlé et on a décidé que non, finalement, on n'allait pas faire ça. C'est pas vrai du tout. Okay. C'est pas vrai du tout. Tu sais qu'on est beaucoup plus à l'écoute que ça de nos auditeurs. Alors oui, effectivement, on va faire quelques recherches parce qu'il y en a qu'on connaît bien, des Easter Eggs. Il y en a probablement qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît mal. Donc, on va faire quelques recherches. Et Georges, on vous promet que bientôt, on va faire un segment là-dessus. J'ai trouvé que c'était une super bonne idée. Puis ça va permettre à Luc d'enfin connaître quelque chose, c'est genre. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord. Ça va être pas pire. Donc, oui, merci. Donc, merci, Georges, pour la suggestion. Si vous en avez d'autres, si vous avez des idées de sujets, des choses qui seraient intéressantes, envoyez-nous ça soit par courriel à info@saroulradio.com ou sur Facebook, et puis on va regarder si c'est quelque chose. Des fois, c'est pas parce que c'est pas intéressant, des fois, c'est juste parce qu'il y a pas nécessairement, on peut pas nécessairement développer sur certains sujets. Il y a des choses que, tu sais, c'est plus ou moins intéressant, mais si on pense qu'il y a, il y a place à élaborer un peu là-dessus, ça va nous faire plaisir d'en parler, puis tu sais, d'aller rejoindre un peu le public qui écoute. Donc, merci pour cette suggestion, puis on va suivre ça dans les prochaines semaines. Mais pour l'instant, Marc, tu vas nous parler de nouvelles. Que se passe-t-il dans ce merveilleux monde de Walt Disney? De la voiture. Ben écoute, une des premières nouvelles, c'est Ford qui fait un rappel important. 550 000 véhicules en Amérique du Nord, 37 000 au Canada. Les Ford Fusion 2013-2016, les Ford Escape 2013-2014, ils ont un câble de transmission, des bushings de câble de shifter qui sont défectueux. Donc, l'idée, en fait, c'est que même si on place la voiture en park, ça se peut que la voiture se mette à se déplacer quand même. Donc, on demande aux gens d'utiliser le frein à main en attendant et d'aller faire remplacer ça au plus vite parce que, évidemment, c'est extrêmement important et ça vous tente pas de vous faire écrapour par votre voiture qui se déplace au moment où, malheureusement, vous pensez qu'elle est absolument correcte et bien stationnée. Donc, si vous avez une de ces voitures-là, allez chez votre concessionnaire la faire réparer. Si vous allez stationner dans une pente à quelque part et vous voyez que cette voiture-là est stationnée en arrière de vous, allez vous stationner ailleurs. Exactement. C'est un peu ça l'idée. C'est bon. Ford Fusion, on le sait, le nom va disparaître bientôt parce qu'en 2020, les berlines chez Ford vont disparaître. Mm-hmm. Et non, la berline Fusion va garder son nom. Oui, t'en as parlé la semaine passée. Une berline, c'est ça. Mais là, on a eu plus de détails. Et semble-t-il que ça va arriver dès 2020, début 2020. OK. Donc, en même temps que les Mustang et F-150 hybrides, finalement. Exactement. Donc, ils ont déjà confirmé ça. On l'attendait. Comme je te dis, on avait parlé la semaine passée. C'était plus basé sur ces rumeurs. Mais là, il semble que ce soit vrai, vrai, vrai. Et que ça va arriver bientôt. Et on a répété que la concurrence directe, c'est le Subaru Outback. OK. Donc, c'est clair, on vise le Subaru Outback. Ben, bonne chance, parce que le Outback a quand même une bonne place du marché. Les clients Subaru sont des clients normalement fidèles. Exactement. Est mieux d'être bonne, la nouvelle Fusion. Parce que, oui, moi aussi, je pense, mais ouais. C'est la même mécanique que ce qu'on avait déjà. Là, fait que, En tout cas, on verra. C'est juste pas un marché ça va donner, facile. Mais pour le moment, c'est ça. C'est ça. C'est bon. Non. J'ai décidé que tu devrais m'acheter un cadeau. Faut que t'arrêtes avec ça. À chaque semaine, je suis pogné pour t'acheter un cadeau. Puis, Que j'attends toujours que tu le fasses au moins une fois. Ouais, mais c'est parce que trouve une affaire d'un magasin de pièces, on va être correct. Là. Mais là, ben là, quand même, là, on se calme. Ouais. Mais Land Rover Defender SVX. Ah, bien sûr. Ça te parle-tu? Ouais. En fait, c'est parce que c'est celui qui a été utilisé dans le film de James Bond, Spectre. Okay. Il est à vendre et ça fait... C'est drôle parce qu'il tombe à vendre au moment où on ouvre aussi en même temps en Autriche un musée dédié à James Bond au film Spectre où vous pourrez voir là-bas tous les véhicules qui ont servi durant ce film-là, incluant ce genre de Defender. Donc, si ça vous tente, on parle de 250 000 euros pour le Defender, donc à peu près 350 000 $. Voilà, c'était ma suggestion de cadeau, mon ami. J'espère que tu vas m'écouter et que tu vas me l'offrir. Ça vaut combien un Defender, normalement, à peu près? Ah, écoute, celui-là a été tellement modifié que c'est même plus un Defender normal, mais ça vaut, je te dirais, probablement aux alentours de 75 000 euros. OK, donc il y a un bon premium pour avoir celui-là. Là. OK. Ouais. Bon, ouais, il a été modifié aussi, puis ils ont changé plein d'affaires. Puis, OK, non, c'est bon. C'est quand même... On est quand même dans quelque chose. Tu vois, on parle de... Ils en ont fait 10 exemplaires, en fait. Ils en ont utilisé 10 exemplaires pour le tournage. Puis le moteur turbo-diesel est passé de 122 à 185 chevaux sur celui-là. Donc, on a vraiment... Tu te demandes pourquoi, par exemple? Parce que dans un film, je veux dire, normalement, là, même si ça a l'air à aller vite, ça va pas nécessairement vite. Puis t'as pas besoin de voiture avec des moteurs à pu finir là-dedans ça. Mais pourtant, ils pimpent ça, toi. C'est comme... Effectivement, je sais pas. OK. C'est peut-être un prérequis de Daniel Craig. Si je suis pour conduire une voiture, il faut que ça ait plus de temps de chevaux. Je sais pas. Peut-être. Mais bon. Je sais pas. OK, c'est bon. Intéressant, mais non, tu l'auras pas. Désolé. Oh, OK. Ben, d'abord, on va te faire une autre suggestion. Le Dodge Challenger 2019, le RT's 4-pack, okay, qui a été dévoilé maintenant et serait le plus puissant véhicule atmosphérique disponible. OK. Donc, sans turbo, avec 485 HP, bien sûr. Encore une fois, on parle d'un moteur, d'un véhicule qu'on ne verra probablement pas ou très peu, à part en quelques éditions. Ben oui, oui. Mais c'est bon, voilà. Alors, on suggère J'aimerais bien ça que tu me Ouais, t'aimes bien le Challenger, mais c'est drôle parce qu'on regarde ça et on dirait que Dodge s'en vient un peu comme la Mustang était il y a quelques années où on trouvait un prétexte pour sortir une édition spéciale. Tu avais des éditions spéciales à gauche et à droite. Là. On commence à avoir plusieurs modèles différents du Challenger là, à un moment donné. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, c'est parce que comme là, le Demon est fini, Ouais. ils en font. Fait qu'une fois ça dit, ça lui prenait quelque chose pour compenser. Non, Fait que mais voilà. là, t'as le L4 Redeye. Ouais. Tu vois le L4 de Ouais, mais base, qui là. sont encore des versions en édition limitée, alors que le 19, le Le Scat 4 Pack. pack va être plus. C'est un buffet all you can eat. Il va en Ouais, avoir genre. tant que les gens vont en vouloir. OK, ouais. Ouais. Genre, Ça c'est. reste que quand tu vas sur la page de Dodge pour te commander un Challenger, tu scrolles longtemps vers la droite pour pogner à la fin du nombre de modèles disponibles. Effectivement, C'est effectivement. quasiment rendu un pick-up, là. Ça commence à être intense. Mais bon, c'est un beau véhicule, regarde, qui a le fort, là. Si les gens embarquent, moi, j'ai aucun problème avec ça. Ah non, puis moi j'aime ça, c'est vraiment là, c'est une auto que j'adore là. Bon, et comme j'ai dit, c'est celui qui garde encore plus qui garde vraiment ses origines de muscle car, là. Tu le Ouais. sais que c'est un Challenger. Tandis que les autres véhicules, les Mustangs, les Camaros, si t'as pas suivi les évolutions puis tout ça, tu regardes ça puis t'es pas nécessairement certain de c'est quoi. Un Challenger, c'est un Challenger. C'est Effectivement, clair. tout à fait d'accord. C'est bon. Changement de sujet, on tombe dans quelque chose de beaucoup, de très différent. On a souvent parlé du Hyundai Kona électrique qui est presque arrivé, là, que l'on peut commander au Canada maintenant. On sait qu'il y aura un cousin qui est le Kia Niro Oui. électrique. Le Kia Niro, il est enfin en vente en Corée actuellement. Et on dit qu'il va arriver en Amérique du Nord au début de la prochaine année. OK. On sait déjà là, qu'aux États-Unis, entre autres, il va être là. Donc, c'est intéressant. On parle d'une batterie de 64 kWh, lithium polymère, avec une capacité de 385 km, 80% de recharge en 54 minutes, mais ça, c'est les versions européennes parce que ça prend un chargeur 100 kW, ce que l'on n'a pas chez nous. Ouais. Mais la version de base va être de 246 km avec une batterie de 39,2 kWh. On parle de 201 chevaux, 0-100 en 7,8, quand même, c'est pas pire. Ouais. Et tous les systèmes intelligents. Donc, le Kia Niro électrique s'en vient. Il devrait être disponible, comme je l'ai dit, début de la prochaine année. Ce qui est quand même pas vilain, là, parce que ça va être une option intéressante avec 300, 400. Le problème, et c'est ce qu'on sait toujours pas, c'est quel prix va être exigé pour ce genre de véhicule-là. Et pour le moment, on ne le sait pas encore. Le Kona électrique, on n'a pas de prix? Il n'y a pas de prix. OK, fait que les gens peuvent commander, puis C'est ça. le vendeur fait juste C'est le dire, ça n'a syndrome pas de prix. Tesla. C'est ça. C'est le OK. syndrome Tesla, en fait. Pour le reste, il y a Mastercard, mais pour ça n'a pas de prix. OK. Exactement. C'est bon. Fait que voilà, écoute, il y a encore plein de petites nouvelles, là, toutes sortes d'affaires. D'ailleurs, je vous invite, je vous rappelle qu'il vous reste une semaine pour réserver votre plaque. C'est le 27 juillet que le Québec va adopter les plaques personnalisées. Moi, ouais, pour un prix un peu dérisoire, là, faut vraiment vouloir, je pense. Hein. 250 $, qui est moins cher qu'en Ontario, je signale. Ouais, peut-être, ouais, mais. Ontario, c'est 300 quelques dollars. On estime que 40% des Québécois qui vont utiliser ça, ce qui m'étonne un peu, mais bon, on estime qu'il y a quand même 40%, ce qui devrait générer des revenus d'à peu près 20 millions au cours des 5 prochaines années, ce qui est quand même mieux qu'une tape sur le nez aussi pour le gouvernement. Ouais, puis tu vas commander ta plaque à quel nom, toi? M. Bouchard ou Marc Soulignier Bouchard ou. Non, moi, c'est plus beau. Ah, OK. Je ne paierai jamais 250 $. Il faut rappeler aussi que il faut rajouter un 30 quelques dollars par année pour la conserver. OK. Ouais. Mais là, tu payes pas 200 $ par année pour ta plaque, tu payes 200 $ pour C'est 250 l'avoir. la première fois. Puis après ça, c'est les prix normaux de Après plaque, ça, là. c'est non, après ça, c'est 35 $ par année pour la maintenir, OK. plus tes prix normaux. Dans tous les cas, là, faut que tu rajoutes le prix d'immatriculation. OK, fait que faut être décidé pareil. OK. Oh, ouais, faut être vraiment, vraiment décidé, Je vais garder ma plaque avec un nom puis avec des lettres puis des chiffres là. Moi, je suis en plein mon normal. intention, en fait. Ouais, c'est ça. Je vais mettre 250 pièces ou d'autres choses, genre Exactement. acheter à manger puis payer mon loyer. Genre. Là, Ouais. je vais me permettre deux petites choses en terminant. Premièrement, je sais, j'en parle chaque année, mais je vous tiens à vous en reparler. C'est le temps du programme Cart Start. CardStart, qui est financé par Toyota Canada, je le rappelle, mais qui est un partenariat avec Toyota Canada, c'est fait par Ross Bond. Ross, c'est un pilote de course, animateur à Motoring TV, entre autres. L'idée, c'est que ça s'adresse aux jeunes de 10 à 15 ans qui veulent apprendre à conduire, qui veulent apprendre, c'est vraiment la sécurité à bord des karts. Oui, à un moment donné, ils font du karting, ça va jusqu'à 50 km/h, mais ils sont toujours entourés de moniteurs et ça se déroule à Saint-Eustache ou à Saint-Célestin en banlieue de Trois-Rivières au cours du mois d'août. Okay. Si vous allez sur kartstart.ca, vous pouvez vous inscrire. Si vous mettez le mot « marque » dans le code promo, vous allez épargner 20 $. Hein? Mais hey, vous pouvez pas dire que ça vous donne rien d'écouter l'émission. Hein? 20 exactement. Moins quand même. Mais l'idée, c'est que cette année, il y a une nouveauté et c'est pour ça que je tenais à en parler. Ils se sont dotés d'un kart adapté pour les enfants handicapés. Et ça, je trouve ça absolument génial. C'est un kart qui fonctionne avec les mains plutôt qu'avec les pieds. Okay. Donc, tu peux accélérer, freiner et te contrôler avec les mains. C'est arrivé dans le passé à quelques reprises qu'il y a des enfants qui voulaient y aller puis qu'on voyait en fauteuil roulant sur le bord de la piste et qui ne pouvaient pas embarquer. Ross a été très touché par cette situation-là. Ils ont fait concevoir un kart exprès pour ça. Ils s'en sont servis une première fois. Je vais probablement partager la vidéo d'ailleurs sur notre page parce qu'il y a eu un reportage de Radio-Canada dans les prairies là-dessus. Mm-hmm. Vraiment, vraiment, vraiment très impressionnant. OK. Et ta deuxième petite chose? Deuxième petite chose, elle est très personnelle. Je vous ai parlé de ma crise cardiaque et du Centraxis avec lequel j'ai fait un programme d'exercice et de nutrition et tout ce que vous voulez. Le 19 août prochain, je participe à un événement qui s'appelle le Défi Axis. Il faut que je ramasse des dons. J'ai mis une vidéo sur ma page Facebook. Il y a un lien pour aller faire un don. 1 piastre, 5 piastres, 10 piastres, ça me dérange pas. Sauf que tous les gens qui m'ont demandé conseil un jour dans leur vie pour acheter une voiture, et il y en a plein de ça, je leur ai jamais demandé rien du tout. Bien, à ces gens-là, aujourd'hui, je lance un appel en disant, écoutez, si vous avez l'occasion, allez faire un don. Le Centraxis, ça s'adresse aux gens qui ont eu une maladie cardiovasculaire. Dites-vous que c'est 20 % des Canadiens, donc 1 sur 5 au Canada qui va vivre avec ça, qui aura besoin d'un centre comme Axis. Nous, on a besoin de vous là. Je fais un appel, c'est rare que je fasse ça en fait, mais là, je fais vraiment un appel très personnel. On a besoin de vos dons et j'aimerais ça que vous y alliez. Allez sur ma page Facebook, il y a une vidéo où j'explique ce que c'est et en bas, il y a un lien où vous pouvez cliquer pour faire un don. Super. On partagera ça aussi sur la page de Ça roule radio. Comme ça, si les gens veulent aller là aussi, ils pourront le trouver là également. Effectivement. Alors voilà, mon cher. Super. Donc, on va terminer là-dessus. Et si les gens veulent te rejoindre, comment font-ils cela? Ben, la meilleure méthode, c'est encore ma page Facebook. C'est la plus facile. Sinon, vous pouvez toujours aller sur Twitter, Marc souligné Bouchard, Bouchard souligné Marc sur Instagram. Et bien sûr, info@saroulradio.com, qui est l'adresse courriel à laquelle Luc et moi, on a accès. Et notre page Facebook, Ça roule radio, à laquelle aussi on a accès, que j'avoue avoir un petit peu négligé récemment, alors que Luc s'en occupe religieusement. Bon, religieusement, de temps en temps. Aussi, ben moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Rascalazormo. Sur Facebook, c'est Luc Desormeaux. Sur Instagram, c'est Desormeaux Luc. Et puis, vous pouvez nous écouter soit à travers Google Play ou iTunes de Apple et aussi sur deux radios. Internet qui est sportradio.ca et Radio Média Plus. Il y a le site aussi qui est saroulradio.com où vous retrouverez les émissions. Donc, si vous voulez juste les télécharger sur votre ordinateur, sur votre téléphone, sans passer par un des services ou si vous avez un téléphone BlackBerry ou un Windows Phone, vous pouvez passer à travers le site directement pour les télécharger. Et puis, c'est pas mal cela. C'était dit avec un certain... Je sais pas, comme ouais. Un petit dédain de ta part, là. Ben, c'est parce que Microsoft a lâché les Windows Phone et ceux qui avaient des Windows Phone et qui les adoraient, tranquillement, se font délaisser parce que Microsoft n'offre plus de support là-dessus. Puis BlackBerry, ben, j'ai vu une pub télé pour un nouveau téléphone, mais j'ai eu l'impression que ça lèvera pas fort fort parce que la majorité des compagnies sont parties puis sont allées vers Android ou Apple. Fait que je pense que c'est trop tard pour eux autres. Là. Mais si vous en avez encore un, vous avez toutes mes sympathies. Et puis, vous pouvez quand même télécharger l'émission directement sur saroulradio.com. Donc là-dessus, merci à tous d'avoir écouté cette émission. Merci Marc d'avoir encore une fois fait cette émission avec moi. Et puis, ouais, faut que je précise aux gens qu'on s'était donné rendez-vous à une certaine heure pour enregistrer, puis je t'ai oublié, par exemple. Ah oui, je suis facile à oublier, je fais comme ça. Bon. Donc, merci à tous, puis on se dit à la semaine prochaine. Bye-bye.